إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on continue avec l'explication de la aqida des deux Razi. Et on est aujourd'hui au cours numéro 23. Et on est toujours dans, si je me souviens bien, on est dans la partie où le Cheikh, il explique qu'est-ce qui a rapport avec yani, le fait que les musulmans, ils sont obligés de rester avec leurs dirigeants et derrière leurs dirigeants et de faire le djihad avec le dirigeant et de faire le hajj avec eux, de leur donner les sadaqat et ainsi de suite. Donc ça c'est le sujet dont on parle aujourd'hui inshallah. On avait déjà commencé à expliquer ce point là au dernier cours qui remonte à un bon bout de temps déjà, bon, mais inshallah je crois que en continuant ça va vous rafraîchir un peu la mémoire inshallah. Le cheikh il dit, bon, on va revenir un petit peu en arrière, il dit والذي يبني المساجد على القبور يستحق هذه اللعنات. Donc il parlait du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Cheikh Rabi' hafizahullah, il explique, il dit, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. C'est-à-dire que la malédiction d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des mosquées, comme des églises, hein. Et il avertissait contre ce qu'ils faisaient, contre ce qu'ils ont fait. Donc il avertit les musulmans de ne pas faire ça. Malheureusement aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit? On voit que les musulmans ont imité, beaucoup de musulmans ont imité les juifs et les chrétiens dans ce genre de choses. Et yani, j'en ai vu dans certains pays musulmans des choses semblables, yani. Des gens qui mettent les tombes des hommes pieux, hein, ou des prophètes, des hommes pieux, ou bien yani, des dirigeants aussi, ils les mettent dans la mosquée. Ils les enterrent dans la mosquée. Et ils construisent des mausolées par-dessus. Et ça, c'est bien entendu contraire à la sunna. Et c'est interdit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même invoqué la malédiction sur ceux qui faisaient ça. Hein? Comme il a invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens, il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça juste pour les juifs et les chrétiens. Cette malédiction-là, elle tombe également sur tous ceux qui les imitent et qui font comme eux. Donc si un musulman, par exemple, prend les tombeaux des prophètes ou les tombeaux des hommes pieux ou les tombeaux des dirigeants, il les prend comme des lieux de culte, des lieux d'adoration, il fait une mosquée par-dessus, hein, eh bien eux aussi ils sont maudits, ils seront maudits comme les juifs et les chrétiens ont été maudits. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre Le hadith, il ne faut pas comprendre juste « Ah, c'est les juifs et les chrétiens qui ont été maudits seulement. » Non. Tous ceux qui... Déjà, le prophète, il les a maudits et il nous mentionne cette malédiction-là pour que nous, on ne devienne pas comme eux et on ne soit pas maudits nous aussi. Hein? Donc, si les musulmans le font, eux aussi deviennent maudits, hein? Éloignés de la miséricorde d'Allah. Et donc, ça, c'est grave. Le cheikh il dit ensuite وَالَّذِي يَبْنِي الْمَسَاجِدْ عَلَى الْقُبُورِ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ اللَّعْنَاتِ. Exactement ce que je disais. Le cheikh il dit celui qui construit yani, des mosquées ou des lieux de culte sur les tombes, il mérite lui aussi ces malédictions-là. Hein? يَسْتَحِقُّ هَذِهِ اللَّعْنَاتِ. يَسْتَحِقُّ, c'est-à-dire il mérite. هذه اللعنات, c'est le pluriel de l'ana, ce qui veut dire la malédiction. Donc toutes ces malédictions-là, il les mérite lui aussi. والذي يعبد القبور يستحق هذه اللعنات أكثر. Celui qui adore les tombes, c'est encore pire. Il mérite encore plus ces malédictions-là. Hein? Parce qu'il y en a qui peut construire une mosquée sur une tombe sans vouloir nécessairement adorer la tombe. Mais il y en a d'autres qui construisent la mosquée sur la tombe et en plus ils adorent la tombe. Donc ça, c'est, il mérite encore plus, hein, cette malédiction-là, parce que ça, c'est du shirk. فَأَيْنَ الدَّعْوَةِ الصَّحِيحَةِ فَأَيْنَ الدَّعْوَةُ الصَّحِيحَةِ السَّائِرَةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِي. Donc il dit, où est-ce qu'elle est cette da'wa qui est authentique, qui est correcte, et qui suit la méthodologie et la voie des prophètes, hein, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Il dit, tu ne trouveras pas cette da'wa ailleurs que dans la da'wa salafiya, et dans le manhaj salafi. Dit, toutes les autres groupes et les autres sectes d'égarement, ils combattent et ils font la guerre à ce manhaj, le manhaj des salafs. Il dit, et tous les groupes corrompus et pervers, égarés et déviés, que ce soit une déviation dans la politique, une déviation dans la croyance, une déviation dans la méthodologie, eh bien, ils font tous la guerre à ce manhaj. Il dit, والإسلام الحق والله في غاية الغربة. الإسلام الحق في غاية الغربة في خاصة في غير هذا البلد. كل البلدان الإسلامية بدون استثناء كلها الإسلام الحق في غاية الغربة وأهل السنة فيها قليلون مضطهدون. الشيخ الزي donc l'islam qui est le vrai islam, l'islam authentique, eh bien il vit, hein, comme s'il était étrange. Il est présent, mais comme si c'est quelque chose d'étrange dans la plupart des pays musulmans. Il dit, en dehors de l'Arabie Saoudite, tu trouves que dans les autres pays musulmans, sans exception, hein, l'islam réel, le vrai islam, l'islam de la sunna, l'islam du Coran, il est devenu quelque chose d'étrange. Et les gens de Ahl Sunna, les gens qui s'accrochent à la sunna, sont peu nombreux. Et tu les vois, ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Hein? Subhanallah, tu les remarques, tu vas dans n'importe quel pays musulman aujourd'hui, et tu regardes les gens d'Ahl Sunnah, la plupart du temps, ils sont persécutés. Et ils sont peu, et ils sont faibles. Hein? Ils n'ont pas beaucoup d'influence ou de pouvoir. Hein? Ils n'ont pas beaucoup de force, malheureusement, pour établir, pour faire, pour apprendre la sunna aux gens. Donc ça, c'est triste, yani. Après, le cheikh il dit, فَنَحْنُ نَدْعُ هَؤُلَاء الدُّعَاتِ هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى الدَّعْوَةِ قَبْلَ الشُّعُوبِ الْأُخْرَى يَحْتَاجُونَ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُمْ دِينَ اللَّهِ الْحَقِّ لَكِنْ هُمْ لَا يُرِيدُونَ هَذَا وَاللَّهِ هَؤُلَاءِ الدُّعَاتِ يدعون إلى وحدة الأديان يعني كبرائهم والصغار يقدسونهم ويدعون إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساوات الأديان ويخضعون للشرق والغرب ويتبنون الفكر الديمقراطي الاشتراكي. الله المستعان. Il dit donc, la plupart des gens maintenant, la plupart des gens qui prétendent être en train de faire la da'wa et d'appeler à l'islam, surtout dans les différents groupes de Hizbiya, les groupes de bid'a, eh bien, c'est eux qui ont besoin d'être appelés à l'islam authentique aujourd'hui, avant les peuples islamiques, hein? Parce que ces gens-là sont des gens qui sont déjà en train de comme ils disent, nous on est en train d'appeler à l'islam, on est en train de faire la da'wa. Mais en réalité, quand tu regardes, ils appellent à quoi? Ils appellent à des égarements. A'udhu billah. Donc c'est à eux qu'il faut commencer à faire la da'wa en premier. Eux ils ont déjà, ces gens-là ils prétendent faire la da'wa, mais c'est eux qui ont besoin de da'wa en réalité. Hein? Ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner la vraie religion d'Allah. Mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas la vraie religion d'Allah. Il dit, par Allah, ces gens-là, hein, qui prétendent faire la da'wa, ils appellent à l'unicité des religions. Et les grands parmi eux, hein, les chefs de leur groupe, tu vois, ils appellent à l'unicité des religions. C'est quoi l'unicité des religions? C'est de dire, toutes les religions sont pareilles. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, hein, et les autres croyances, bouddhistes, hindouistes, on adore tous Dieu. Donc il faut tous s'unir et travailler ensemble, hein, et être unis. Toute l'humanité doit s'unir. Et donc ils appellent à l'unification des religions, à la liberté des religions, à la fraternité des religions, à l'égalité des religions. Et ils se soumettent, ils obéissent à l'Est et à l'Ouest, hein, à l'Orient, à l'Occident, et également ils adoptent les idées des démocrates et des socialistes. Hein? Ils adoptent les idéologies démocratiques et socialistes. Le cheikh il dit, يقولون الديمقراطية روح الإسلام يقولها القرضاوي ويجامل وينافق للحكام ينافقون للحكام وينافقون في ليبيا ينافقون في الجزائر ينافقون في كل مكان وفي كل مكان ينافقون فإذا جاء صراع بين الشعوب وبين الحكام هبوا ضد الحكام عندهم تلاعب وعندهم حيل. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils disent que la démocratie c'est l'esprit de l'islam. A'udhu billah. J'ai déjà entendu des gens comme ça qui disent ça. Pourquoi ils pensent comme ça? Beaucoup d'entre eux pensent comme ça parce que la plupart des gens qui sont, même ceux qui ne sont pas éduqués, qui n'ont jamais étudié la politique ou quoi que ce soit, hein, même qui n'ont pas étudié la religion, quand ils entendent le mot démocratie, qu'est-ce que ça leur dit? À quoi ils pensent? Ils s'imaginent que ça veut dire la justice. Donc ils disent, nous on est pour la démocratie, dans le sens on est pour la justice. Et donc ils s'imaginent que la justice et la démocratie c'est comme deux noms qui sont presque synonymes, qui veulent dire la même chose. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de lien entre la justice et la démocratie. Il n'y a aucun lien entre la démocratie et la justice. Parce que c'est un système humain, créé par des êtres humains, inventé de toutes pièces par des êtres humains pour justement combattre la religion et pour justement éloigner les hommes de la charia d'Allah. Puisque dans la démocratie, c'est l'homme qui devient le chef et le juge et le législateur, et c'est lui qui décide qu'est-ce qui est légal et illégal, et ainsi de suite. Il rend licite ce que Dieu interdit. Et il rend permis, il rend interdit ce que Allah ordonne. Donc ça c'est le système démocratique. Il vote, il s'assoit dans un parlement et après il décide les lois. Il vote des nouvelles lois chaque jour, font des nouvelles lois. Tu dis, mais subhanallah, pourquoi ils ont besoin de faire des nouvelles lois? À chaque 5 minutes, ils inventent des nouvelles lois. Pourquoi? Hein? Subhanallah, les lois qui existent déjà ne sont pas suffisantes. Non, parce que à cause de leur désobéissance d'Allah et de leur opposition, hein, à la religion d'Allah, eh bien, ils sont obligés à chaque fois. C'est comme on dit, à chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est comme un bateau qui a plein de trous dedans. Hein? Un bateau qui est sur l'eau, puis à chaque fois il y a un nouveau trou qui apparaît dans la coque. Alors à chaque fois ils sont obligés de mettre un morceau pour boucher le trou. Et donc c'est ça, leur système c'est comme ça. C'est un système, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils réalisent, ah, on a un nouveau trou dans le bateau, il faut mettre quelque chose pour le boucher. Et là, ils en bouchent un, il y en a un autre qui apparaît de l'autre côté. Et à chaque fois comme ça, ils essaient de réparer le problème. Mais le vrai problème, c'est que déjà le bateau, il est pourri. Hein? Il peut pas avancer parce qu'il est déjà basé sur le faux, à la base. Tandis que s'ils avaient accepté la législation d'Allah et la foi en Allah et qu'il faut obéir à Allah et que ça c'est la base de toute société, eh bien ils n'auraient pas eu ces problèmes-là. Parce qu'ils seraient partis avec une coque solide, quelque chose, une base qui est solide. Et puis ils avancent là-dessus. Parce que tout le monde est d'accord sur la base. Hein? Tandis que là on est dans un système, tout le monde est mélangé, tout le monde croit en n'importe quoi. Il n'y a personne qui est d'accord sur une foi unique. Donc, il y en a un parmi les gens de l'égarement comme ça, comme Al-Qardawi, qui est une des têtes parmi les têtes des Hizbiyin. Eh bien, lui, il agit de manière hypocrite avec les dirigeants. Tu le vois, par exemple, avant les manifestations, avant le soi-disant printemps arabe, comme il l'appelle, il allait visiter tous les pays musulmans et il rencontre les responsables, il rencontre les dirigeants, il leur donne la main, serre la main, fait des photos avec eux, il leur dit oui, vous êtes bon, vous êtes correct, hein, vous êtes sur le bien. Et aussitôt qu'il y a une confrontation et un problème entre le peuple et ces dirigeants-là, tu les vois tout de suite, ils commencent à attaquer ces dirigeants. Alors qu'ils étaient assis il n'y a pas longtemps, quelques mois avant, ils étaient assis avec eux. Hein? Que ce soit en Libye, soit en Algérie ou ailleurs, tu les vois, c'est partout comme ça. Qardawi, on a vu justement quand il y a eu les problèmes en Libye, quelques mois avant, il était en Libye, assis avec Kadhafi en train de rire avec lui et serrer la main. Quand il y a le problème contre le dirigeant là-bas, le peuple se révolte, eh bien, tout d'un coup, il dit, ouais, allez-y, hein, sortez contre lui. La même chose dans beaucoup d'autres pays. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont hypocrites et qui jouent avec les gens. Il dit, il dit, donne le bon conseil aux dirigeants et donne le bon conseil au peuple. Et appelle le dirigeant et le peuple à l'unicité d'Allah et au tawhid d'Allah avant toute chose. Et au fait de purifier la religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Hein? Il dit, Wallahi, law aqam al-hukam tawhid Allah wa arafu tawhid Allah wa arafu manhaj al-haq, manhaj Allah al-haq, la adilu fi ummatihim. واجتهدوا في نشر الإسلام بالدعوة إليه والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. Donc le cheikh il dit, par Allah je jure que si les dirigeants établissaient le tawhid d'Allah et qu'ils connaissaient l'unicité d'Allah et qu'ils connaissaient la méthodologie véridique d'Allah, eh bien ils auraient été justes envers leur peuple et ils auraient fait des efforts pour propager l'islam par la da'wa et l'invitation à l'islam et par le jihad et la lutte dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Lakin al-hukam لا يعرفون منهج منهج الله إلا من وفق من وفق الله والشعوب كذلك إلا من وفق الله. Dit, par contre, les dirigeants ne connaissent pas la méthodologie d'Allah, hein, et la voie d'Allah, excepté celui à qui Allah a donné le succès d'entre eux. Et les peuples, de même, ils ne connaissent pas la voie d'Allah, excepté ceux à qui Allah a donné le succès. Il dit, فَالْمُؤْمِنُ نَاصِحُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم انصح الناس يعني انصح الناس أو انصح للناس وادعوا بالحق وبين الحق للناس لا تضحك على الناس لا تضحك على الناس لا ت لا ت اي نعم لا تر لا ترتب لا تربط اكتاف الشعوب وتقول انتم مسلمون كلكم ابناء مسلمين نعم عندهم اسلام لكن الكثير ما عندهم توحيد ما عندهم اتباع لكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الازمات الان تقول قال الله قال الرسول ما يقبلون منك والله ما يقبلون إذا قلت الحل عند الرسول صلى الله عليه وسلم كذا لا يقبلون يقولون لك أنت عميل والله العملاء والخونة الذين خانوا دين الله خانوا أمة الإسلام ما قدموا لهم دين الله الحق وإنما يقدمون لهم الأباطيل والطرهات والسياسات الفاجرة المنحرفة. Donc le cheikh il dit, le croyant il doit être sincère. Il doit être sincère et il doit donner le bon conseil avec sincérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est la sincérité. Et nous ont, yani, c'est-à-dire le bon conseil, sincère, basé sur la sincérité. Et les sahaba ont dit, nous avons demandé envers qui au messager d'Allah? Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, donne le bon conseil aux gens, sois sincère envers eux et fais entendre la vérité par ta voix et clarifie la vérité pour les gens. Hein? Ne te moque pas des gens, ne te moque pas des gens en leur cachant la vérité ou en leur disant autre que la vérité. Tu montes sur les épaules des gens, puis tu leur dis, oui, vous êtes musulmans, vous êtes tous des fils de musulmans. Le cheikh il dit, il faut pas mentir aux gens, il faut pas trahir les gens. Il dit, oui, c'est vrai, ils ont l'islam, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas réellement, ils n'ont pas le tawhid. Ils n'ont pas le tawhid, ils n'ont pas le suivi correct du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans, bon, ils sont musulmans, font la salat, ils viennent à la mosquée. Mais est-ce que dans leur compréhension de l'islam, si tu leur dis qala Allah, qala Rasulallah, ils vont implémenter tout de suite, ils vont comprendre, ils vont accepter tout de suite, hein? Beaucoup de musulmans, tu lui dis Allah a dit telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, est-ce qu'ils vont tout de suite dire ah ça y est on le fait? Peu de musulmans comprennent la religion de cette façon-là, hein? Et le cheikh il dit, et avec tous les problèmes qui se passent actuellement, c'est-à-dire à l'époque des fitans, quand il y avait les manifestations et les révoltes, et le cheikh il dit, tu dis à quelqu'un Allah a dit et le messager a dit et ils n'acceptent pas, il dit par Allah ils n'acceptent pas, et si tu leur dis la réponse et la solution à votre problème est dans yani, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle chose, ils n'acceptent pas. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, toi t'es un agent. T'es un agent du gouvernement. Hein? Ils t'accusent d'être un agent du gouvernement ou d'être un espion, hein? Ou des choses de ce genre. Non, mais c'est pas juste dans les pays musulmans. Ça c'est même ici, là. Tu vois, les gens, ils pensent comme ça. Si tu leur dis, il ne faut pas sortir contre les gouvernements. Hein, c'est pas comme ça que vous allez trouver la solution à votre problème. Il dit, ah, toi, tu es un agent du gouvernement. Tu travailles pour le gouvernement. Ajib, subhanallah. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que ça, ça ne vient pas du gouvernement ou du dirigeant lui-même. Que tu défends le dirigeant, ce n'est pas parce que le dirigeant il t'a demandé de le faire ou parce que le dirigeant t'a payé pour que tu le fasses. Non, tu le fais parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit d'obéir et d'écouter dans le bien et de ne pas faire des révoltes. Donc eux, ils ne comprennent pas ça. Et on ne leur a pas enseigné ça non plus. Donc eux, ils pensent que toi, tu travailles pour le gouvernement quand tu agis comme ça. Allah al-Musta'an. Alors qu'en réalité, ceux qui ont trahi la religion, ceux qui ont trahi, ce sont ceux qui ont trahi la religion d'Allah et qui ont trahi la Ummah de l'islam. Ils n'ont rien fait de bon pour faire avancer la religion d'Allah et la religion de vérité. Ils ne font que mettre à l'avant des faussetés et toutes sortes d'idées ou de pensées, des idées politiques corrompues et déviées. Le cheikh il dit fal jihad madin man qata walakin ma huwa al jihad al mashru' wal murtaba wal mu'tabar 'inda Allah huwa jihad ummat al tawhid ummat tawhid Allah يعني هو جهاد أمة يعني توحيد توحد الله تخلص الدين أو تخلص الدين كله لله تقاتل لإعلاء كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. Donc le cheikh dit oui, le jihad il reste, il va toujours exister jusqu'à la fin des temps. Il ne va pas cesser. Mais c'est quoi le djihad qui est vraiment légiféré et qui est vraiment pris en considération pour Allah? Il dit, c'est le djihad d'une nation qui a compris l'unicité d'Allah et qui a unifié Allah et qui a purifié toute la religion pour qu'elle soit pour Allah seul. Tu combats pour que la parole d'Allah soit élevée et qu'elle soit la plus haute. Celui qui combat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, alors c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Il dit وَلَوْ كَانَ الرَّجُلْ يُقَاتِلُ مَعَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ وَلَهُ غَرَضٌ آخَرْ مَصِيرُهُ النَّارِ. Il dit même si un homme il combattait avec le messager صلى الله عليه وسلم qui est à côté du prophète صلى الله عليه وسلم pendant qu'il fait le combat et que son intention et son intérêt et autre que d'élever la parole d'Allah, sa destination sera l'enfer. Subhanallah. Donc il dit وَأُنَاسْ قَاتَلُوا مَعَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ وَقُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ. لماذا؟ لأن الجهاد يجب أن يكون لإعلاء كلمة الله فقط لا لدنيا ولا لشيء ولا لغرض من الأغراض وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. Donc le cheikh il dit il y a des gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et qui ont lutté et combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils sont dans l'enfer. Ils ont été tués dans la bataille et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils sont dans l'enfer. Pourquoi? Il dit parce que le djihad, il est obligatoire qu'il soit uniquement pour élever la parole d'Allah seulement. Pas pour la dunya, ou pas pour autre chose parmi les intérêts de la dunya ou autre. Il faut que ce soit uniquement dans le but qu'on élève la parole d'Allah et que la parole d'Allah soit la plus haute. Et il dit « Wahidun fi Uhud athkhana fil adu faqala ba'du sahaba » ما أجزاء اليوم كما أجزاء فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. الحديث تابعوه جرح فقتل نفسه قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما قاتل لله واحد يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويغل ويغل يعني شملة قالوا شهيد فلان شهيد فلان شهيد لما وصلوا إلى اسمه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر في الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا لتشتعل عليه نارا. Donc le cheikh il explique que il y a quelqu'un qui était très fort, il combattait et il frappait, il tuait beaucoup d'ennemis. Et les sahaba ont dit, on a, yani aujourd'hui, personne a combattu aussi, aussi rigoureusement et avec force que un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera parmi les gens de l'enfer. Alors les sahaba ont été étonnés. Comment ça? Il va être dans les gens de l'enfer? C'est pas possible. Alors ils l'ont suivi. Ils ont suivi cet homme dans le combat pour voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'un moment il a été frappé. Il a été blessé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il a fini sa vie. Il ne pouvait pas supporter la douleur. Et là, à ce moment-là, les sahaba ont dit, ah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas combattu pour Allah. Il y a un autre, il a combattu avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a volé quelque chose du butin. Il a pris quelque chose du butin avant que le butin soit distribué. Et les sahaba disaient, un tel, il est martyr, un tel, martyr. Quand ils sont arrivés à son nom, à lui, ils ont dit, ah, ça c'est un martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, par celui qui tient mon âme en sa main, l'objet qu'il a volé, qu'il a pris le jour de Khaybar, qui faisait partie du butin, eh bien, il va être enflammé dans le feu à cause de ce qu'il a pris avant que ce soit distribué. Yani, c'est-à-dire qu'à cause de ça, il n'est pas martyr. À cause de ce péché-là, il n'est pas considéré comme ça. Naam, il va être dans l'enfer au lieu d'être au paradis. C'est un grand péché parmi les grands péchés, tu vois. Et le hadith de à propos de ça, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est mentionné au complet, le hadith est mentionné, le cheikh il a juste résumé, mais il est mentionné tout en bas de page. Donc après inchallah je vais vous le lire si vous voulez inchallah. Après il dit, فلنوحد الله وننصر هذا الدين ولنرفع راية الجهاد لإعلاء كلمة الله فقط ولتكون كلمة الله هي العليا. Donc il dit, il faut donc établir l'unicité d'Allah et défendre cette religion et élever la bannière du jihad pour que la parole d'Allah pour que la parole la plus haute soit la parole d'Allah seulement. Beaucoup de musulmans, c'est ça. Ils suivent uniquement les intérêts. Où est-ce qu'il est l'intérêt matériel? Où est-ce qu'il est le bien matériel? C'est juste ça qu'ils ont en esprit. Le fait d'élever la parole d'Allah, le fait de défendre la religion d'Allah, le fait d'appeler au tawhid et à l'unicité d'Allah, pour eux, ça c'est la dernière de leurs préoccupations. Le plus important pour eux, c'est l'argent. Où est-ce que je vais trouver mon compte? Tu lui offres son compte, tu lui dis, il y a un commerce, il y a telle chose, il court. Puis tu lui dis, mais tu lui parles de propager le tawhid d'Allah élever la parole d'Allah, et ainsi de suite, là, yani, c'est pas la même, la même attention, la même intérêt. Le cheikh il dit, رجل يسأل يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى أو كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. Donc un homme a demandé au messager d'Allah, au messager d'Allah, l'homme il combat pour le butin, l'homme il combat pour être mentionné, pour qu'on se rappelle de lui, l'homme il combat pour être vu, hein, pour qu'on voit son statut. Hein, lequel est dans le sentier d'Allah? Le messager d'Allah a répondu, il a dit, celui qui est dans le sentier d'Allah, c'est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, hein, pas les autres. Donc ça c'est très grave. Il faut vraiment avoir cette sincérité là envers Allah. Et c'est pour ça que la religion c'est pas quelque chose basé sur les intérêts matériels. La religion c'est réellement une affaire de sincérité. De sincérité du cœur. Et même si tu vois autour de toi des gens et que eux ils prennent pas la religion au sérieux ou qui ils n'ont pas à cœur la religion d'Allah, mais toi, yani, fais des efforts pour rester ferme sur la sincérité et rester sincère envers Allah. Les gens aujourd'hui, quand tu es sincère dans la religion, ils te prennent pour quelqu'un de naïf, ils te prennent pour quelqu'un de simple, d'esprit. Hein? Ah, lui, il est naïf, il est simple d'esprit, il est sincère dans sa religion. Il pense que tu es faible dans ta compréhension et dans ta raison. Eux, ils pensent qu'ils sont intelligents parce que ils font toutes sortes de choses un peu croches. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit ma'a ulil amri min a'immat al-muslimin la yabtuluhu shay. C'est-à-dire que le djihad il doit être fait, mais pas n'importe avec n'importe qui ou n'importe comment. Mais il doit être fait avec les dirigeants des musulmans, les responsables, les responsables politiques, les chefs d'État dans les pays musulmans. C'est derrière eux qu'on doit faire le djihad. Et il n'y a rien qui va l'annuler. Il n'y a rien qui va l'annuler ou le rendre yani, désuet. Le djihad, il continue toujours jusqu'à la fin des temps, derrière les dirigeants. Et le cheikh, il dit « Al-Khawarij wa-Rafidah » La yaraun al-jihad ma'a a'immat al-islam. Donc, quand tu regardes les khawarij, c'est ceux qui font le takfir des musulmans. Et ils ne croient pas au jihad derrière les dirigeants. Parce qu'ils déclarent les dirigeants kuffar. Les khawarij et les rafida, les shi'a rafida, c'est la même chose. Eux, ils considèrent que tous les musulmans qui ne sont pas sur leur compréhension et leur voie sont des kuffar. Les rafida, ils font le takfir de tous les pays musulmans, à part l'Iran, peut-être. Mais tous les autres pays, pour eux, c'est des pays de coffre. Hein? Donc, ils vont appeler les musulmans à se révolter contre les dirigeants aussi. Le cheikh il dit, « وَلَوْ كَانَ مُنْحَرِفًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجَهِدُوا مَعَهُ مَا دَامَ فِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَيُعْلِنُ الْجِهَادِ فَأَنْتَ تُصَلِّ وَرَاءَهُ وَتُجَهِدُ مَعَهُ وَتَحُجُّ مَعَهُ ما دام يصلي فإذا استنفر للجهاد فعلى المسلمين أن يجاهدوا معه ونصلي وراءه بخلاف الخوارج والروافض فإنهم يكفرون الأمة وأئمتهم لذا لا يرون الجهاد. Donc le cheikh il dit, même si le dirigeant il est dévié, il a des déviations, eh bien les musulmans doivent quand même faire le jihad avec lui s'il appelle au jihad. Tant qu'il est dans le cercle de l'islam, et tant qu'il appelle, il est dans l'islam et il appelle les musulmans au djihad, alors toi tu pries derrière lui et tu fais le djihad avec lui et tu fais le hajj avec lui tant que lui il fait la salat. Et s'il appelle au djihad, alors les musulmans doivent eux aussi faire le djihad avec lui. et faire la salat derrière lui, contrairement aux khawarij et aux rawafid, parce que eux ils font le takfir de la umma et des dirigeants, et ils ne considèrent pas le djihad. Quand tu vois ceux aujourd'hui qui appellent au djihad parmi les khawarij, eh bien c'est des gens qui appellent au djihad mais pas avec le dirigeant, contre le dirigeant. Donc ça c'est pas le djihad, ça. Le djihad contre le dirigeant, c'est pas un djihad. C'est le djihad avec le dirigeant, derrière le dirigeant, pas contre le dirigeant. Et c'est ça la différence entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a et les Khawarij. De même que les Rawafid, ils ne croient pas au djihad derrière le dirigeant. Et ils prient pas, même ils ne prient pas derrière les dirigeants. Ils les considèrent kuffar. Ils considèrent les dirigeants de la Ummah comme étant kuffar. Donc ils ne les considèrent pas musulmans. Ils ne font pas le djihad derrière eux, ils ne font pas la salat derrière eux. Et le cheikh, il cite ici, en note de bas de page, la parole d'un des, ulama qui s'appelle Ibn Batta, dans Al-Sharh wal-Ibana. Il dit: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجوع والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر مع أمير جائز على حكم الكتاب والسنة لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر فإذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. Donc il dit, l'imam Ibn Battah dans Al-Sharh wal-Ibana, il dit que tous les ulama, les hommes de fiqh et de science et de la bonne conduite et des adorateurs et des gens qui se détachent de la dunya, depuis le début de cette umma jusqu'à notre époque, on parle de son époque, ils sont tous d'accord qu'on peut faire la salat al-jumu'ah et les deux prières du Eid et Mina et Arafat et le Hajj, hein, de même que les combats et le djihad et les offrandes avec tous les dirigeants musulmans, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pécheurs, et de leur donner ce qui sort de la terre et les sadaqat, hein, et les différentes zakat, tu peux leur donner et c'est permis, et de faire la salat dans les grandes mosquées qu'ils ont construites et de marcher sur les ponts qu'ils ont construits et de vendre et d'acheter et de faire toute autre forme de commerce et d'agriculture d'industrie, tout ça c'est permis. Hein? À toutes les époques, avec tout dirigeant, c'est permis selon le jugement du livre d'Allah et de la Sunna. Aujourd'hui, tu vois que des khawarij, eux, quand ils voient des choses que le dirigeant il a construit, ils veulent le faire exploser, ils veulent le faire sauter, ils veulent le détruire. Ils font du vandalisme. Hein, haineux, ils font sauter des ponts, ils font sauter des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'ils disent ça c'est le dirigeant qui l'a construit et nous on est contre le dirigeant. Donc ils appellent à détruire ces choses-là. Allah musta'an. Alors tout ça c'est contraire à qu'est-ce que nos ulama ont dit et qu'est-ce que les salafs ont enseigné. Donc le cheikh il dit ensuite: à toute époque, derrière tout dirigeant, selon le jugement du livre de la Sunna et le fait de les obéir et de les suivre, hein, et de faire le djihad derrière eux et la salat derrière eux, ça ne nuit pas à celui qui est sérieux dans sa religion et qui s'accroche à la Sunna de son prophète. l'injustice de l'injuste, hein, et la tyrannie du tyran. Ça, ça ne lui nuit pas si lui, hein, il est correct et sur le livre, et il juge selon le livre d'Allah et la sunna de son messager. Donc ça, c'est un point important. Après, le cheikh dit « Wa rawafid yukaffiruna al-umma wa a'immatahum wa yarawna adam al-jihad hatta yakhruj al-mahdi wa l'an idha qalu jihad kazzabun wallahi dinuhum ghayru hadha dinuhum annahu la jihad hatta taqum al-mahdi wal-mahdi khurafa ustura la wujuda lahu lam yujad wa lan yujad إلا المهدي الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أهل السنة. Donc le cheikh il dit, les rafidah, les shi'a en Iran et ailleurs, hein, ce qu'on appelle les rafidah, eux ils déclarent les dirigeants et les musulmans kuffar, et ils ne considèrent pas qu'il est permis de faire le jihad jusqu'à ce que sorte leur mahdi qu'ils attendent. Ça, ça fait partie de la religion des shi'a. Il dit, on n'a pas le droit de faire le djihad sans que le Mahdi sorte. Le Mahdi, pour eux, hein, ça fait 1200 ans qu'ils l'attendent. Il est devenu invisible quand il est né, puis jusqu'à aujourd'hui, supposément, il n'est pas encore sorti. Et pour eux, le djihad, il n'est pas permis de le faire, excepté avec le Mahdi. Donc ils disent... Si tu vois un cheikh, il dit, si tu vois un les rafidah d'aujourd'hui qui parlent de djihad, ce sont des menteurs. Hein? Il dit, par Allah, leur religion n'est pas, hein, ne les appelle pas au djihad. Ils appellent, parce que dans leur religion, dans leur livre de religion, ils enseignent que le djihad, c'est seulement avec le Mahdi. Et leur Mahdi, c'est une superstition, c'est une fausse, c'est un mensonge. Il n'a jamais existé, hein, et il ne va jamais exister. Le seul Mahdi qui va exister, c'est celui dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé et en lequel les gens de la sunna ont cru. Hein? Et il dit, وقال محمد ابن الحسن ابن الحسين الأجري في كتابه مناقب الشافعي قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. Donc il dit que l'imam Al-Ajur il a expliqué que les informations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths mentionnent que le Mahdi sera de sa famille et qu'il va être, il va régner pendant 7 ans, et il va remplir la terre de justice, et à son époque, Isa va sortir, et le Mahdi va l'aider à tuer le Dajjal, et le Mahdi va diriger la Umma dans la prière, et Isa va prier derrière lui. Jésus va prier derrière lui. وقال السفارين في لوامع الأنوار البهية قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. Donc c'est ça. Il dit que l'imam al-Safarini, ou le cheikh al-Safarini, un des ulama, il a dit qu'il y a beaucoup de paroles qui ont été mentionnées à propos du Mahdi. Certains ont cru qu'il n'y avait pas de Mahdi excepté Isa. Mais qu'est-ce qui est correct, et qu'est-ce qui est vrai, selon les gens de la vérité, c'est que le Mahdi, ce n'est pas Isa. Mais qu'il va sortir avant Isa. Hein? Il va sortir avant Isa. Il y a beaucoup de narrations à ce sujet-là. Et il y en a tellement que ça a atteint le degré de tawatur, c'est-à-dire un nombre tellement grand de narrations à ce sujet-là que ça ne peut pas être faux. Et, non, et ça, c'est-à-dire, son nom ça va être, je pense son nom ça va être Abdullah, le même nom que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mohammed ibn Abdullah. Al-Mahdi, Al-Mahdi, ça vient de Al-Huda, c'est-à-dire la guidance. Et donc Al-Mahdi, celui qui est bien guidé, d'accord? Naam. Et donc il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Après le cheikh, il termine à ce point-là, il dit « وَالشَّاهِدْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْجِهَادِ مَعَ وُلَاتِ الْأُمُورِ وَلَوْ كَانُوا فَجَرَهُ أبو أيوب كان يجاهد وراء يزيد قتل وهو في القسطنطينية وقائد الجيش هو يزيد بن معاوية منحرف من أول حياته وما قال لا أجاهد معه جاهد معه وكان أهل السنة يجاهدون مع الحاكم ولو كان ظالما يجاهدون معه ما دام يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة نصلي وراءه نصلي وراء الأئمة الذين يعني يعينهم إذا جاهد نخرج في الجهاد ولا نسلك مسلك أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض ومن نحى نحوهم هذا مقصوده. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça, c'est que ils disent, on peut réfuter celui qui ne considère pas qu'on puisse faire le djihad derrière les dirigeants, même s'ils sont pervers ou même s'ils sont pécheurs. L'exemple de Abu Ayyub, Al-Ansari, il a fait le djihad derrière Yazid. Et ça, il est mort dans la bataille de Al-Qustantiniya. Et c'était qui le chef de l'armée? C'était Yazid ibn Muawiyah. Et Yazid ibn Muawiyah, depuis le début de sa vie, il était dévié. Mais il n'a pas dit, Abu Ayyub, il n'a pas dit, je ne vais pas faire le djihad derrière lui. Non, il a fait le djihad derrière lui. Et les gens d'Ahl al-Sunnah, ils faisaient le djihad avec leurs dirigeants, même si c'était des injustes. Ils faisaient le djihad avec eux tant qu'ils disaient la ilaha illallah et qu'ils établissaient la salat. Eh bien, ils ont pris derrière eux. On prie derrière les dirigeants et on les aide. Et s'ils font le djihad, on sort dans le djihad avec eux. On ne va pas dire par exemple, parce qu'il y a des musulmans qui pensent ça, parmi les gens de Bid'a. Ils disent, ah non, si ce n'est pas un pieux, et s'il n'est pas parfait, et s'il n'est pas un bon exemple de l'islam, on ne va pas faire le djihad avec lui. Non, tu fais le djihad avec lui et tu combats derrière lui, comme il l'ordonne. Mais s'il t'ordonne de faire un péché, tu ne fais pas le péché, parce que ça, ce n'est pas permis. Mais tu l'ordonnes dans le bien. Et donc, le cheikh dit, on ne va pas suivre la voie des gens de bid'ah et des garmins, comme les khawarij et les rawafid, et ceux qui sont sur leur voie. Après, le cheikh dit, « Wal-hajju kadalik. Al-hajj ma'ahum. » Yani Anas, radiyallahu anhu, yas'aluhu ahaduhum, qal, « Matan nafar, ya Anas ibn Malik ?» قال النفر وقت كذا وكذا ولكن كن مع أميرك والأمير كان الحجاج في هذه الحجة الظالم الطاغية السفاك حتى كان كثير من السلف يكفرونه ومع ذلك يقول كن مع أميرك لأنه رأى منه بوادر الانحراف. Il dit le cheikh, les deux razis, ils disent également le hajj. C'est-à-dire tu dois faire le djihad derrière le dirigeant et également le hajj. Il dit, et on doit faire le hajj avec eux, c'est-à-dire avec les dirigeants. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un des compagnons, quelqu'un lui a posé la question. Quand est-ce qu'on doit partir pour le hajj? Oh Anas ibn Malik, il a dit, tu dois partir pour le hajj à tel moment, mais par contre, sois avec ton dirigeant. Et le dirigeant à cette époque-là, c'était Al-Hajjaj. Cette année-là, c'était Al-Hajjaj. Et Al-Hajjaj, c'était un injuste, un tyran qui faisait, il y en a qui tuait beaucoup de monde. Alors, beaucoup de, même parmi les salafs, certains ils le déclaraient kafir, yani, subhanallah. Alors, il a dit, malgré tout, sois derrière ton imam et reste avec ton amir, reste avec ton amir, ton dirigeant. Donc, pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il voyait les débuts d'une déviation. Comme les Khawarij, eux, les Khawarij disent non, moi je ne fais pas le Hajj derrière ce dirigeant-là. C'est un injuste, c'est un kafir, a'udhu billah. Donc, ça, c'est la voix des Khawarij. Ah, parce que le dirigeant, c'est qui est-ce qui le part? C'est le dirigeant. Même en ce moment aujourd'hui. Naam. Donc on fait le Hajj, on le fait derrière le dirigeant, tout le temps. Non, mais c'est-à-dire que tu vas même pas savoir. C'est-à-dire que tu vas pas nécessairement le voir parce qu'il y a comme 4 millions de personnes. Mais c'est lui qui débute les rites du Hajj. Hein, naam. On fait kavarak, naam. Donc. Il dit ودفع الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمه المسلمين. Également, on doit donner les aumônes et la zakat, comme les bétails, aux dirigeants et aux responsables parmi les musulmans. Et le cheikh, il explique, il dit اذا طلب الامام الزكاه فيجب ان تدفع له. هناك زكاة الظاهر وهناك زكاة الباطن. وزكاة الظاهر هذه للحاكم، إذا طلبها يجب أن تؤدى إليه، وله أن يقاتل عليها من امتنع من أدائها، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع المرتدون من بعض الناس غير مرتدين، ليس مرتدين ولكن منعوا الزكاة وقالوا لا نعطي الزكاة إلا إلى من صلاته إلا من صلاته سكن لنا إلا من صلاته سكن لنا، يعني لا نؤدي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، لا نؤديها لأبي بكر ولا غيره. قال أبو بكر والله لا أقاتلنهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة. وجادله بعض الصحابة ثم استسلموا لرأيه الصائب وشرعوا يقاتلون أهل الردة بما فيهم مانع الزكاة. Donc le cheikh, il dit que lorsque le dirigeant demande que la zakat lui soit donnée, elle doit lui être donnée. Et il y a la zakat apparente et la zakat qui est cachée. La zakat qui est apparente, elle est pour le dirigeant. S'il la demande, on doit la donner. Et il a le droit de combattre ceux qui refusent de la donner, comme Abu Bakr radiallahu anhu a combattu ceux qui refusaient de la donner. Ils n'étaient pas des apostats, parce qu'il y avait à l'époque des apostats, ceux qui avaient quitté l'islam, les Arabes qui avaient quitté l'islam, il y avait les Arabes qui avaient refusé de payer la zakat, et eux ils disaient, ils n'étaient pas des apostats, mais ils disaient nous on ne donne pas la zakat. Ils ont dit on donnait la zakat seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et donc étant donné qu'il est mort, on ne donne plus la zakat à quelqu'un d'autre par la suite. Abu Bakr radiallahu anhu a dit je vais les combattre, je vais combattre quiconque fait une distinction entre la salat et la zakat. Et certains d'entre les sahabes ont voulu disputer avec lui en disant comment tu peux combattre des gens alors qu'ils ont dit la ilaha illallah. Et Abu Bakr leur a répondu que ça c'est un des droits de l'islam. Donc s'ils refusent de le donner, il faut les combattre. Et ils se sont, ils ont accepté son point de vue qui était correct, et ils ont combattu les gens de l'apostasie et ceux qui refusent de payer la zakat également. Il dit فإذا طلبها فعليك أن تؤديها ما طلبها فلك أن تتصدق بصدقتك وتعطيها للمستحقين والفقراء والمساكين من الأقربين والأبعدين حتى بعضهم يفضل إذا لم يطلبها الإمام أنك تباشر إنفاقها بنفسك وتعرف المحتاجين والمستحقين وتعطيهم. Donc le cheikh il dit, si le dirigeant te demande de lui donner la zakat, qu'elle lui soit distribuée, que ce soit lui qui la prend pour la distribuer, alors tu dois lui donner la zakat. Mais s'il ne la demande pas, tu la donnes à qui? Il y en a à qui tu veux parmi ceux qui méritent la zakat, comme les pauvres, hein, les nécessiteux. Qu'ils soient proches ou éloignés de toi, tu leur donnes. Et il dit que même certains parmi les ulama, ils mentionnent que c'est mieux même d'aller la donner par toi-même. Si le dirigeant ne demande pas qu'on lui donne la zakat, eh bien dans ce cas-là, c'est mieux que tu ailles toi-même chercher qui sont les pauvres pour leur donner la zakat directement. Et il dit والسوائم هي الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار والأمور الظاهرة كلها إذا طلبها الحاكم تقدم له وليست الصدقات في الإبل والبقر والغنم فقط بل هي تشمل الأموال الظاهرة كلها من التمر والبر والشعير ومشاكل ذلك الأمور الظاهرة هذه إذا طلبها الحاكم تؤدى إليه وإذا امتنعوا فله أن يقاتلهم عليها وتفاصيل الزكاة في هذه الأنواع في هذا الأنواع في كتب الحديث والفقه. Donc le cheikh il dit as-sawa'im, c'est-à-dire les bêtes, hein, les troupeaux de bêtes comme les chameaux, les vaches et les moutons, ça c'est as-sawa'im, de même que les céréales, les grains et les fruits secs, hein. Ça, c'est les choses apparentes. C'est ça, la zakat apparente. Si le dirigeant demande qu'on lui remette cette zakat, eh bien, il faut lui donner. Naam. Et il dit, c'est pas seulement dans les zakats comme des chameaux, des vaches et des moutons seulement, mais aussi ça comprend les biens apparents, hein, tous les biens apparents comme les dattes, le blé, l'orge et toutes les céréales et ainsi de suite. Ça c'est des choses apparentes et si le dirigeant les demande, il faut lui donner. Mais s'il ne les demande pas, c'est-à-dire s'il les demande et que quelqu'un refuse de lui donner, il a le droit de combattre ceux qui refusent. Et les détails de la zakat sur ces différentes catégories de biens, eh bien, il se trouve dans les livres de hadith et dans les livres de fiqh. Donc ça, c'est pour celui qui voudrait avoir plus de détails sur ces questions-là, il peut aller voir dans les livres de hadith, dans les livres de fiqh, pour savoir les règles de la zakat sur les bétails, le bétail, et aussi sur les biens comme par exemple les récoltes de céréales ou de fruits secs, des choses de ce genre. Naam. Donc ça vient compléter le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on va continuer ce livre la semaine prochaine, Inch'Allah. On est presque à la fin. Il reste pas beaucoup. Hein? Bien entendu, la zakat de l'argent aussi. Mais, c'est-à-dire, il y a la zakat de l'argent, mais les zakat que le dirigeant prend en général, c'est la zakat des biens comme les gens qui ont des troupeaux de chameaux, des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches, et des biens comme des grains ou des fruits secs. C'est de ça que les dirigeants, quand ils demandent qu'on leur donne la zakat, c'est dans ces choses-là en général. نعم دونك اون فا ساريتي ici pour aujourd'hui ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته